بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons commencer inshallah ta'ala le cours numéro 18 dans l'explication de Umdat al-Ahkam. قال المؤلف رحمه الله باب السواك. L'auteur il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit le chapitre lié au siwak. والسواك يطلق على الآلة التي يتسوك بها وكذلك يطلق على الفعل. Et le mot siwak est utilisé pour l'instrument qu'on va utiliser pour le siwak, c'est-à-dire pour se nettoyer les dents. Et le mot siwak est aussi utilisé pour l'action. L'action de se nettoyer les dents s'appelle siwak. Et ensuite, l'auteur il nous dit An Abi Hurayrata radiallahu anhu, An Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Laula an ashuqqa ala al-ummati لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Ensuite l'auteur il nous cite un hadith selon Abi Huraira radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si il n'y avait pas en cela une difficulté pour ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak, et donc je leur aurais ordonné l'utilisation du siwak, le fait de se nettoyer les dents, le siwak, à pour toute salat, à chaque prière. وهذا الحديث دليل على أن الدين يسر. Et ce hadith est une preuve que la religion est facilitée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: si laula an ashuqqa ala ummati, s'il n'y avait pas dans cela une difficulté pour ma communauté. Et donc il y a dans cette religion la facilité pour les musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Il veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi: ma yuridu Allah li yaj'ala 'alaykum min haraj. Allah ne veut pas placer, il ne veut pas vous imposer quelconque gêne. Il ne veut pas vous imposer quelconque gêne. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi: la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge aucune âme en fond au-dessus. Il ne charge aucune âme au-dessus de ses capacités. Fad-din maysur walakin kathiran min an-nas fi qulubihim marad fayuridun min ad-din ba'dahu wa yatrukun al-ba'd. ثم يستدلون بمثل هذه النصوص على تغيير ما يريدون تغيير تغييره فالدين ميسور ما يحتاج إلا أن نغيره. Et donc la religion elle est facilitée. Cependant beaucoup de personnes ont des maladies dans leur cœur. Ils veulent donc prendre de la religion ce qu'ils veulent, une partie, et en délaisser une autre partie. Et ils vont s'appuyer sur ces quelques textes, ces quelques versets qu'on a cités, pour délaisser ce qu'ils veulent délaisser, et changer ce qu'ils veulent changer. La religion est facilitée. Allah, il veut pour nous la facilité. Comme j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, un imam dire, la religion est facile. Allah, il veut pour nous la facilité. Malich. Les femmes, elles n'ont qu'à marcher sans voile. Allah, il veut pour nous la facilité. Et donc à ce moment-là, tu peux continuer plus loin encore. Allah, il veut pour nous la facilité. Ben, on retire la prière. Allah, il veut pour nous la facilité. Ben, on retire le jeûne. Allah, il veut pour nous la facilité. Ben, on retire le hajj. Allah, il veut pour nous la facilité. Ben, on retire ce qu'on veut. Non, elle dit, nous, mais la religion, elle est déjà facilitée. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Elle est déjà facilitée. Sauf pour ceux qui ont une maladie dans leur cœur. Et le pire, c'est que ces mêmes personnes qui viennent te voir, qui te disent la religion est facilitée, la religion est facilitée. Dès qu'ils veulent retirer quelque chose de la religion, ils te disent la religion est facilitée. Lorsque tu les vois, par exemple, accomplir les rites, le hajj ou la umrah, ils se mettent dans des situations de difficulté. Tu dis, mais Harry, pourquoi tu fais ça? Et Harry, tu les vois essayer de monter. Oui, il faut aller sur le pic de son fin. Il a mal aux pieds. Il y a des pics, des pierres. Tu dis, Harry, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas prier là? C'est pas toi, il y a 2 jours, tu disais la religion est facilitée. Et donc, en fait, c'est quand ils veulent. Les gens, ils jouent avec la religion. Ils ont pris une religion comme jeu, en fait. On retient ce qu'on veut et on prend ce qu'on veut. Là. El muslimu yastaslimu. Le musulman se soumet. Il s'est soumis à son Seigneur. Et son Seigneur, par facilité pour lui, son Seigneur, par miséricorde, il lui a facilité sa religion. Et donc la religion est facilitée. وهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو للوجوب. Ce hadith est une preuve que le prophète صلى الله عليه وسلم, s'il ordonne quelque chose, alors cette chose, elle est obligatoire. Rappelez-vous, on a dit souvent, on a besoin de ça dans, on a besoin de cette règle. يرحمك الله, on a besoin de cette règle dans la jurisprudence islamique. Lorsqu'on voit un ordre du prophète, savoir est-ce que c'est obligatoire ou pas. Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est recommandé? Et donc, la règle, c'est que tout ordre montre que c'est obligatoire. Ce hadith en est la preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, s'il n'y avait pas en cela une difficulté pour ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak. Et donc, la difficulté, elle est où? Dans le fait que c'est obligatoire tout le temps. Si ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas de difficulté. Puisque tu le fais quand tu veux. D'accord? والحديث دليل على استحباب السواك وأنه سنة وقد ذكر النووي الإجماع على ذلك. Ce hadith est une preuve que le siwak est recommandé, que c'est une sunna. Et Al-Hafiz al-Nawawi a cité l'unanimité des savants sur cela. وذكر العلماء أن السواك مستحب في كل وقت. Et les savants, ils ont cité que le siwak, il est recommandé à tout moment, à tout instant. Mais que son caractère recommandé augmente encore plus à 5 moments. Ils ont dit premièrement, awwalan inda salat, premièrement, au moment de la prière, comme on le voit dans ce hadith, le hadith de Abi Huraira. Thaniyan inda al-wudu, lors des ablutions. Pendant les ablutions. Pourquoi? Il y a une autre narration de ce même hadith de Abi Huraira qui stipule les amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Je leur ai ordonné le siwak à tout moment des ablutions, pour chaque ablution. Troisièmement, inda qira'atil Qur'an. Troisièmement, lorsqu'ils lisent le Coran. Quatrièmement, عند الاستيقاظ من النوم. Quatrièmement, lorsqu'il se lève de la nuit, يرحمك الله. Et ça, la preuve, on la verra, bi'idhnillah, la semaine prochaine, par rapport à ce sujet-là. Cinquièmement, عند تغير الفم. Cinquièmement, lorsque l'odeur de la bouche de la personne, elle change. Par exemple, la personne n'a pas mangé depuis longtemps. Ou alors les savants, ils ont dit la personne, elle a eu un long silence. Ou alors la personne, elle a beaucoup parlé. Ce sont des causes qui font que l'intérieur de la bouche de la personne va changer. Ce qui peut changer, l'haleine de la personne. À ce moment-là, yustahab ou siwak. Le siwak est recommandé. ثم وقال الإمام الشافعي إن السواك للصائم بعد الزوال يكره. الإمام الشافعي il dit que le siwak concernant le jeûneur Après Zawal, c'est-à-dire à quel moment? Al-Dhahar. Donc après Al-Dhahar, il dit que le Siwak est détestable. Ça me rappelle la première fois que je suis allé en Égypte. Je suis converti, un peu après je suis parti en Égypte, j'arrive en Égypte pendant Ramadan. Le Siwak dans la bouche, il y en a un qui vient. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, là, Yukra, intasaim, tu jeûnes. Oui, mais Sunnah, non? Non, non, non, non, non. Pas pendant Ramadan. Pas pendant Ramadan. Ça, je ne savais pas. Et donc, ça, c'est l'avis de Al-Shafi'i. Daliluhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a qala la khalufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi yawm al-qiyamah min rih al-misk. La preuve de l'imam Al-Shafi'i, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, certes, le changement d'odeur de la bouche du jeûneur est préférable auprès d'Allah le jour du jugement que l'odeur du musc. Elle est préférable à l'odeur du musc. Et donc, قالوا هذا الحديث دليل على استحباب هذه الرائحة. Ils ont dit ce hadith est une preuve montrant que cette odeur que le jeûneur va avoir, donc l'haleine du jeûneur, cette odeur elle est recommandée. وهذه الرائحة سببها خلو المعدة من الطعام والشراب. Et la cause de cette odeur qui va sortir de la bouche du jeûneur, c'est le fait que son estomac sera vide. Il n'aura pas de boisson ni de nourriture. وَقَالُوا هَذِهِ الرَّائِحَةِ تَشْتَدُّ عِنْدَ الزَّوَالِ إِذَنْ يُكْرَهُ السِّوَاكِ لِأَنَّهُ يُزِيلُ هَذِهِ الرَّائِحَةِ. Et ils ont dit, et cette odeur augmente encore plus après Dhahar. Après Dhahar, cette odeur, elle augmente. Et donc, il est détestable d'utiliser le siwak après Dhahar. Pourquoi? Parce que le siwak fait partir cette odeur. Or, cette odeur, elle est préférée auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah la préfère à l'odeur du musc. Et donc ça, c'est le dalil de Al-Shafi'i, rahimahullah. Wa dhahaba Abu Hanifa ila istihbab as-siwak lis-sa'imi mutlaqan. Abu Hanifa, il voit que il est recommandé, il est totalement recommandé au jeûneur d'utiliser le siwak à tout instant. Wa hadith Abi Huraira dalil qawi fi hadha. Et le hadith de Abi Huraira qu'on vient de voir aujourd'hui est une lourde preuve, est une preuve qui est forte. En cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit je leur aurais ordonné le siwak pour chaque salat. Pour chaque salat. Dhahr, Asr, Maghrib, pour chaque salat. Certains savants disent salat obligatoire et salat recommandé. Allez, rajoute encore. Pour chaque salat. Et donc ce hadith montre que le siwak est recommandé à tout instant pendant la journée. Amma ma dhahaba ilayhi Shafi'i fayujabu anhu bi umur. Tandis que l'avis qu'a choisi Shafi'i, on peut y répondre par plusieurs points. اولا ان الانسان ان اكل بالليل ثم لم يتسحر فتاتيه الرائحه قبل الزوال فلماذا قيدتم الامر بالزوال. Premièrement, c'est que la personne, si elle mange la nuit, elle va jeûner le lendemain, elle mange après le maghrib, et ensuite la personne ne prend pas de suhoor le matin. Le matin, elle n'a pas pris de suhoor avant le fajr. Cette odeur qui touche le jeûneur, elle va venir avant Dhahar. Elle va venir avant Dhahar, puisqu'il n'a pas mangé, il n'a pas eu de suhoor. Et donc les savants disent, pourquoi est-ce que vous spécifiez le jugement à la prière du Dhahar? Alors que cette odeur, elle peut venir bien avant si la personne n'a pas mangé. Ça c'est premièrement. ثُمَّ السِّوَاكْ لَا يُزِيلُ الرَّائِحَةِ لأن الرائحة سببها خلو المعدة أما السواك فتأثيره في الفم. Ensuite, le siwak, il ne retire pas l'odeur du de la bouche du jeûneur. Car la cause, rappelez-vous, on a dit la cause de cette odeur, c'est le vide, c'est le fait que son estomac est vide. Tandis que le siwak, il va avoir un impact dans la bouche. Mais il ne va pas avoir un impact dans l'estomac. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السواك ولم يفصل ولم يقيد استعماله في وقت دون وقت. Ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a cité le jeûne, il a cité le siwak, et il n'a pas détaillé, et il n'a pas délimité l'utilisation du siwak à un moment ou à un autre. Il l'a laissé comme cela. Et aussi, le prophète صلى الله عليه وسلم لم يخص الصائم من غيره. Le prophète, il n'a pas spécifié le jeûneur, et il n'a pas spécifié le non-jeûneur non plus. Il a cité, « Je leur aurai ordonné le siwak à tout moment. » Aussi un point important, c'est que l'eau, elle est plus évidente et plus forte dans le fait d'enlever l'odeur de la bouche du jeûneur que le siwak. Et pourtant, on fait nos ablutions plusieurs fois dans la journée alors qu'on jeûne. Même pour une prière qui est mustahabba, pour une prière qui n'est pas obligatoire, on va nous dire oui, mais là, c'est obligatoire de faire les ablutions. Parce qu'on doit faire la salade, c'est obligatoire. Et donc, Mahalish, on fait les ablutions parce que c'est obligatoire. On va te dire, ben, à ce moment-là, la prière obligatoire, la prière surérogatoire. Est-ce que tu vas faire tayammum sous prétexte que tu jeûnes? La prière surérogatoire, non, tu vas aussi faire tes ablutions. Et donc, le siwak n'est pas détestable après le vahar pour celui qui jeûne. وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ السِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ. Et pour finir, donc dernier sujet, certains ont fait la distinction entre le siwak humide et le siwak sec. Ça, c'est l'avis de qui, ça? La distinction entre le siwak humide et le siwak qui est sec. اَذَقَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ. Ça, c'est l'avis de l'Malikiyya. فَقَالُوا بِأَنَّهُ يُكْرَهُ السِّوَاكُ الرَّطْبِ لِأَنَّ لَهُ طَعْمًا. Ils ont dit que le siwak humide est détestable. Pourquoi? Parce qu'il a un goût. Tu jeûnes et tu mets dans ta bouche quelque chose qui a un goût. Et donc c'est détestable. Les savants ont répondu à cela en disant Ibn Sirin, il a été rapporté de lui que cette question lui a été posée. Il a dit Al-ma'u lahu ta'mun wa anta tatawadda'u bih. Il a dit l'eau a un goût et pourtant tu fais tes ablutions avec. Et donc ce n'est pas parce que le siwak a un goût que cela veut dire que tu ne peux pas l'utiliser donc pour te nettoyer les dents. Idan يستحب السواك مطلقا سواء للصائم ولغيره أو وسواء الرطب وغيره أو اليابس. Et donc le siwak, il est totalement recommandé, que ce soit pour le jeûneur ou le non-jeûneur. Et que ce soit le siwak humide et le siwak sec, il est totalement recommandé à tout moment de la journée et de la nuit. Et on va continuer ce chapitre, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, bi'idhnillah. En attendant, donc, je tiens à vous rappeler donc, le séminaire qui commence demain. Udhakkirukum bid-dawra allati tabda'u ghadan ba'da al-'asr. Le séminaire qui commence demain après l'Asr, le séminaire intitulé Séminaire de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa sanabda'u ba'da al-'asr bi kalimat al-Sheikh Abdel Ghani al-'Awisat al-Jazairi. On commence aussi donc demain, après l'Asr, avec un discours du Cheikh Abdel Ghani Aouisset al-Jazairi, donc d'Algérie, avec une intervention et la traduction. Et aussi, donc je vous incite tous à venir participer à tous ces cours qui vont être donnés, que ce soit par le frère Abdullah Abou Ibrahim ou d'autres. Ce sera un séminaire, bi'idhnillahi ta'ala, profitable للجميع بورتوس جزاكم الله خيرا وفق الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين